Le tout pour le tout, une enquête de Maurice Parent par Jules Lhermina. Chapitre 1er. Les premières semaines de janvier 1880 et quelques donnèrent un singulier exemple de cette loi de mathématiques sociales que les crimes et les catastrophes vont par série. Attaques à main armée sur la voie publique, découpage de cadavres, expédition du dit hangar restante, meurtre d'une femme adultère, vengeance par incendie, toutes les manifestations diverses de la férocité humaine, actes du vieux fauve qui sommeille en nous, s'étaient succédées de jour en jour, mettant la police et les reporters sur les dents et décuplant la vente des journaux qui n'avaient pas manqué, selon la coutume, d'agrémenter leurs colonnes de titres en capitales énormes et attirantes. On commençait cependant à respirer un peu, 3 jours d'accalmie, quand, au matin du 20e jour de ce mois de janvier, le bruit se répandit tout à coup qu'un nouveau crime venait d'être commis et d'autant plus intéressant, car il y a des crimes à succès et des fours, que la victime était connue de tout Paris. Voici d'ailleurs ce qu'on lisait dans le Nouvelliste parisien, qui est, comme chacun sait, le moniteur de la curiosité publique. Le double assassinat de la rue Blanche, meurtre de M. Frédéric Orliac et de Mme Orliac. Au moment de mettre sous presse, nous apprenons qu'un effroyable crime vient d'être commis au cœur même de Paris. Notre confrère et ami Frédéric Orliac, le romancier populaire dont les succès ne se comptent plus, a été assassiné ainsi que sa femme dans l'hôtel qu'ils habitent au 26 de la rue Blanche. À l'heure où nous écrivons, Madame Orliac a succombé et l'état de son mari semble désespéré. La première enquête paraît indiquer que le crime, qui a eu le vol pour mobile, est l'œuvre d'un rôdeur de nuit qui se serait introduit dans l'hôtel et aurait frappé ses victimes endormies. La justice est transportée sur les lieux. Nous publierons dans la matinée une seconde édition qui donnera sur cet épouvantable attentat les détails les plus complets. Cette nouvelle produisit dans Paris un effet de stupeur. Nous sommes ainsi faits que la qualité de l'assassin ou de la victime est toute puissante pour fixer le degré d'intérêt que nous attribuons à telle ou telle catastrophe. L'assassinat d'un inconnu nous arrache à peine un mouvement de surprise ennuyée ou d'inquiétude égoïste. Mais quand il s'agit d'un homme comme Frédéric Orliac, le thermomètre de l'indignation publique monte en un clin d'œil à Verassois ou à Sénégal. C'est qu'en effet, il était peu de noms autour desquels il eût été fait plus de bruit dans ces dernières années. Il avait hérité de Gensu, de Dumas père, de Ponson du Terrail et de Gaboriau le titre de romancier populaire. Il réclame dont ses éditeurs inondaient les journaux, les affiches au chromo multicolore dont rutilaient les murs, avaient ajouté à cette appellation les épithètes de « grand, illustre, admirable » qui commandent l'attention et imposent une réputation. Certes, Orliac n'était pas indélicat, et ses grandes machines auraient difficilement supporté la comparaison avec les études de ses confrères plus sérieux. Mais la popularité, qui n'est point si banale qu'on le suppose, et qui sait bien ce qu'elle fait, était venue à ses romans d'un réalisme judiciaire qui faisait concurrence au compte-rendu de la Gazette des tribunaux complété au moyen des archives d'une police idéale. De plus, il y avait dans ses récits d'un seul jet une désinvolture de style, un diable au corps qui n'excluait pas une tenue très serrée dans le plan, une netteté de déduction, une originalité de combinaison qui justifiait l'engouement des lecteurs et rachetait parfois, même auprès des confrères dédaigneux, un mépris trop accusé du normalisme. Son dernier roman, La double mort, publié par un journal à un sou, avait fait sensiblement monter le tirage. D'ailleurs, travailleur infatigable, il savait se tenir au courant de toutes les actualités qui pouvaient éveiller la curiosité, et il y adaptait ingénieusement ses œuvres nouvelles, basées tantôt sur un procès récent, tantôt sur un scandale bruyant dont l'écho n'était pas éteint, tantôt sur une découverte proclamée hier dans les recueils scientifiques. « Un malin !» disaient les hommes du métier. « Un faiseur !» disaient les jaloux. Quoi qu'il en fût, on le lisait. Il était recherché, largement payé, et était arrivé, après de longues années de lutte, à la situation enviée de romancier coté sur le marché. Aussi, dans toutes les classes sociales, cette annonce brutale, l'assassinat de Frédéric Orliac, éveilla-t-elle un intérêt immense. Il existe une parenté entre le lecteur et l'auteur. Son portrait avait été si souvent publié que tout le monde avait présent à la mémoire cette figure fine, éclairée par un œil très noir, au monocle inamovible, ses cheveux coupés en brosse et qui donnait à sa physionomie ce caractère militaire toujours sympathique aux Français. La mort de l'homme qu'on connaît, ne fût-ce même que de vue, cause toujours une impression plus pénible, ce qui explique la douloureuse importance que prend un décès dans les petites villes, et pour les hommes célèbres, Paris n'est qu'une petite ville. À midi, le nouveliste publia le supplément annoncé, qui enfermait les détails les plus circonstanciés. Nous les reproduisons. Le bruit que nous avons enregistré dans notre première édition n'était que trop fondé. Frédéric Orliac et sa femme ont été assassinés cette nuit. On comprendra que dans la stupeur douloureuse où nous plonge cet affreux événement, nous ne puissions faire œuvre littéraire et mettre en ordre les renseignements que nous avons recueillis. Nous les écrivons au courant de la plume. Et bien que le temps nous manque pour les contrôler dans leur exactitude minutieuse, nous pouvons affirmer cependant qu'ils sont l'expression même de la vérité. Frédéric Orliac habite avec sa femme et deux domestiques un petit hôtel sur le devant au numéro 26 de la rue Blanche. Construction simple, un rez-de-chaussée, deux étages, trois fenêtres de façade. Ce matin, à 4 heures, un employé comptable d'une grande maison des Halles, M. B., que ses occupations obligent à se trouver à son bureau dès 5 heures, descendait de Montmartre où il demeure. Arrivé à la hauteur du numéro 30 de la rue Blanche, il heurta du pied quelque chose de lourd. Il se baissa et ramassa un marteau. Il faisait nuit. Poussé par la curiosité, M. B. s'approcha d'un bec de gaz et examina l'objet avec attention. À sa grande terreur, il constata que ce marteau était couvert de sang caillé et que des cheveux y adhéraient. Sans hésiter, il se rendit immédiatement au poste de police de la Trinité et fit part de sa lugubre trouvaille. Un examen plus attentif ne put que confirmer la première impression de M. B. C'était bien du sang, et de plus, les cheveux longs, de couleur indécise, appartenaient à une femme. Prenant aussitôt deux hommes avec lui, le brigadier, accompagné de M. B., se fit conduire à l'endroit où le marteau avait été trouvé. Le trottoir fut examiné à la lueur d'une lanterne, mais on n'y remarqua rien d'anormal, à l'exception d'une petite tache rouge, due évidemment au choc du marteau au moment où il avait été jeté ou abandonné par le meurtrier. Le brigadier inspecta attentivement les places environnantes, mais ne releva aucun indice que le crime eût été commis sur la voie publique, du moins à cet endroit. La rue Blanche, généralement peu fréquentée, est à cette heure matinale silencieuse comme une rue de province. M. B. déclarait n'avoir rencontré personne depuis la place Blanche jusqu'au point où il avait heurté le marteau du pied. Le brigadier expédia aussitôt un de ses agents à la préfecture, puis il se disposa à rentrer au poste, toujours accompagné de M. B., qui se mettait complaisamment à la disposition de l'autorité pour signer sa déclaration. Au moment où, redescendant la rue Blanche, le groupe passait devant la maison portant le numéro 26, la porte s'ouvrit brusquement et une femme en sortit, affolée et criant « Au meurtre ! À l'assassin !» Les agents coururent à elle. Dès qu'elle eut reconnu l'uniforme, la malheureuse, qui semblait en proie à une extrême terreur, saisit le brigadier par le bras, répétant « À l'assassin, là-haut, tous les deux !» Les agents la suivirent. Au rez-de-chaussée, un vestibule de petite dimension fait face à l'escalier qui conduit aux étages supérieurs. Au premier étage, un affreux spectacle les attendait. La porte de l'une des chambres donnant sur le palier était ouverte, et à la lueur d'une veilleuse posée sur la cheminée, ils virent un homme étendu à terre, la tête baignant dans une mare de sang. « Venez, venez !» disait encore la servante. Elle entraîna les agents dans la chambre suivante, séparée seulement de celle d'Orliac par une cloison, et là, ils trouvèrent Madame Orliac, étendue dans son lit, le crâne brisé, morte. Au premier coup d'œil, il fut facile de constater qu'elle avait été surprise pendant son sommeil, car elle était couverte des draps jusqu'au cou, et le corps ainsi que la tête avaient conservé l'attitude du repos. Un petit meuble en bois de rose qui se trouvait à la tête du lit avait été fracturé. Le fragile panneau était brisé, et le désordre des papiers, des écrins, des objets féminins de toutes sortes prouvait que l'assassin avait dû voler des bijoux et des valeurs. La jeune servante, qui est la femme de chambre de Madame Orliac, s'évanouit à ce moment et fut tombée de toute sa hauteur si on ne l'eût soutenue et étendue sur un fauteuil. Tandis que le chef de poste donnait ordre de prévenir immédiatement le commissaire de police de la rue Vintimille, il adressait à la préfecture un nouveau messager. Enfin, et l'envoyait requérir le médecin le plus proche, qui, par un hasard providentiel, demeure justement dans la maison qui fait face à l'hôtel où a eu lieu l'attentat. Le docteur Rand accourut aussitôt. Le corps d'Orliac avait été relevé et posé sur un matelas. En le dérangeant, le brigadier avait trouvé à terre un revolver, dit coup de poing, de fabrication commune. Le médecin constata en effet qu'un coup de revolver avait été tiré, presque à bout portant, sur notre confrère. La balle avait pénétré auprès de la racine du nez. Par un véritable miracle, Orliac respirait encore. La balle avait frappé la suture nasofrontale, avait contourné la crête temporale jusqu'au point où elle croise le sténium ou suture coronale, et s'était arrêtée là. Le médecin put l'extraire par une simple pression des doigts. Nous disons qu'Orliac n'est pas mort. Mais la commotion a été telle qu'on a presque certainement à redouter des complications mortelles. À l'heure où nous écrivons ces lignes, il est plongé dans un état comateux qui inspire les plus vives inquiétudes. Quant à Madame Orliac, la mort de la pauvre femme a été instantanée. Le docteur Rand n'a pas douté un instant que l'instrument du crime fût ce marteau que M. B. a ramassé sur le trottoir de la rue Blanche. Des preuves évidentes ont confirmé cette hypothèse. En effet, ce marteau est de ceux qu'on appelle l'ail ou smil, à l'usage de maçon, et qui se distingue en ce que la partie plate postérieure est bretée, c'est-à-dire quadrillée de dents peu profondes qui servent à façonner les moellons ou les pierres de taille. Or, les traces de la brette sont faciles à reconnaître dans l'horrible blessure à laquelle a succombé Madame Orliac. Le cou a dû être porté de haut, à un tour de bras. La victime étant couchée sur le côté, la lourde masse a enfoncé la fosse temporale au-dessus de la crête. L'os malaire a été atteint. Il y a eu écrasement des circonvolutions temporo-sphénoïdales. Nous le répétons, la mort a été instantanée. Les cheveux qui adhèrent au marteau ont été reconnus identiques à ceux de Madame Orliac, qui, de 10 ans plus âgée que son mari, était déjà grisonnante. Au moment, 10 heures, où nous enregistrons ces premières informations, le commissaire de police procède à une enquête. M. Benerier, juge d'instruction, et M. Basser, le chef de la police de sûreté, viennent d'arriver sur les lieux. Frédéric Orliac n'a pas repris connaissance, et on craint qu'il ne rende d'un moment à l'autre le dernier soupir. Les journaux du soir ajoutèrent peu de choses à ces premiers renseignements. Mais le lendemain matin, le Nouvelliste consacra son numéro entier à la catastrophe dont tout Paris s'entretenait. Il publiait le portrait de Frédéric Orliac. Un pointillé indiquait la marche suivie par la balle depuis la racine du nez jusqu'à sa sortie à la partie postérieure du crâne. Le dessinateur avait même figuré la forme de la blessure. Les bords de l'ouverture étaient brûlés, entourés de petites taches ombrées d'un noir gris, faites par la poudre, circonstance prouvant que le coup avait été tiré à bout portant. Car il résulte d'expériences soigneusement faites qu'à une distance de 3 pieds seulement, la pénétration de la balle ne laisse aucune de ses traces. Puis venait un croquis de l'hôtel et un plan de ses dispositions intérieures. Au rez-de-chaussée se trouvait la salle à manger, la cuisine, d'un côté du vestibule, de l'autre un salon bibliothèque dont les murs étaient garnis de plusieurs centaines d'ouvrages rares, à reliure d'amateurs, et une salle de bain. En face du vestibule, comme nous l'avons dit, l'escalier conduisant aux étages supérieurs. Sur le palier du premier s'ouvrent 2 portes, l'une à droite donne accès dans la chambre d'Orliac, qui a 2 fenêtres sur la rue, et à laquelle attient, en retour sur la cour de l'hôtel, cour de 25 mètres carrés tout au plus, la chambre de Madame Orliac. Ainsi qu'on le voit, on ne peut pénétrer dans cette dernière chambre qu'en passant par celle du mari. À gauche, une chambre d'amis qui sert généralement de débarras, et sur la rue, un petit cabinet, dans lequel Orliac se délasse de son travail en exécutant de menus ouvrages de menuiserie. Au second, mansardé, 2 chambres occupées l'une par le domestique, l'autre par la femme de chambre. Le domestique se nomme Louis Calmeza. Il est d'origine méridionale. C'est un homme robuste, mais de caractère très doux. La servante, Adèle Bossu, est âgée de 28 ans, petite, très brune, assez jolie, quoique sa physionomie paraisse étrange au premier coup d'œil, en raison de la couleur de ses cheveux et de son teint qui lui donne l'air d'une mulâtresse. Voici des détails, continua le Nouvelliste, dont nous garantissons l'authenticité. Le soir qui a précédé la catastrophe, Frédéric Orliac était absent de chez lui. Il était sorti vers 8 heures en habit noir, cravate blanche. Il se rendait en soirée. Son domestique l'a aidé à s'habiller, mais son maître lui a laissé ignorer dans quelle maison il se rendait. C'est d'ailleurs une circonstance qu'il sera facile d'élucider. Louis ajoute que depuis quelques mois, son maître allait beaucoup plus souvent dans le monde que par le passé. Madame Orliac était souffrante et sortait peu. Le soir, elle accompagnait très rarement son mari, et encore n'était-ce que pour aller au théâtre, mais non pas aux premières, où depuis assez longtemps, Orliac se rendait seul. Madame Orliac s'était couchée presque immédiatement après le départ de son mari et avait renvoyé sa femme de chambre. Louis, d'après ses dires, qui seront facilement vérifiés, était allé passer la soirée dans un débit de vin qui fait le coin de la rue Blanche et de la rue Saint-Lazare, où il rencontre fréquemment d'autres domestiques avec lesquels il s'est lié. Il est rentré, paraît-il, vers 11h30 du soir et a ouvert, comme d'ordinaire, la porte avec un passe-partout. Il a monté l'escalier à pas de loup pour ne pas réveiller sa maîtresse et a gagné sa chambre, située, comme nous l'avons dit, au second étage de la maison. Il n'avait pas de lumière, connaissant assez les êtres pour s'en passer. Il n'a rien remarqué d'anormal, s'est couché et s'est endormi. Il sait d'ailleurs que son maître n'était pas rentré, car il avait trouvé allumé dans le vestibule la veilleuse que Frédéric Orliac éteint à son retour. Le bougeoir était également auprès de la veilleuse. Louis ne peut donc fournir aucune indication à l'instruction. Il n'a rien entendu et n'a été réveillé que par l'entrée de la police dans la maison. La déposition d'Adèle Bossu n'est malheureusement pas plus instructive. Selon sa déclaration, Madame Orliac paraissait un peu souffrante. Elle avait des étouffements et s'était hâtée de se coucher parce que la position horizontale la soulageait. Adèle lui avait offert de rester auprès d'elle. Mais Madame Orliac lui avait répété à plusieurs reprises qu'elle n'avait besoin de rien, ajoutant qu'elle l'appellerait en cas de nécessité. En effet, une sonnette dont le cordon se trouve à la tête du lit de Madame Orliac correspond à la chambre d'Adèle Bossu. Celle-ci s'était alors retirée dans sa chambre où elle s'était livrée à des travaux de couture jusqu'à 10 heures. Puis il s'était couché et n'a rien entendu. Seulement, et voici un détail curieux au point de vue physiologique, elle déclare qu'à 4 heures du matin, elle s'est éveillée brusquement. Il lui semblait, dit-elle, qu'elle venait de recevoir un coup dans la poitrine. Le cœur lui battait violemment, en même temps qu'elle se sentait saisie d'une angoisse indéfinissable et douloureuse. Assaillie de pensées pénibles, elle a tenté de les écarter, mais n'y parvenant pas et acquérant peu à peu la conviction, ce sont ses propres expressions, qu'il y avait un malheur dans la maison, elle s'est décidée à se lever et elle est descendue sa lampe à la main. Elle a vu alors que la porte de son maître était ouverte. Elle a avancé la tête et aperçut le corps gisant à terre. Elle a couru à la porte de sa maîtresse. Elle ne se rappelle pas si la porte de communication entre cette chambre et celle d'Orliac était ouverte. Oublie qu'elle attribue à l'émotion qui l'oppressait. Elle s'est trouvée en face du cadavre de Madame Orliac. Alors, perdant la tête, elle s'était lancée dehors en criant au secours « On sait le reste ». Ces deux dépositions ne semblent jeter, quant à présent du moins, aucune lumière sur cette sinistre tragédie. Cependant, nous croyons savoir que la justice a déjà recueilli certains indices qui pourraient aider aux recherches. L'état de notre malheureux confrère ne s'est pas amélioré. Il est, c'est le terme exact, entre la vie et la mort. Les médecins, et parmi eux le célèbre Ardouin qui a été appelé en toute hâte, ne peuvent répondre de sa vie. Et dussent-ils le sauver, qu'il redoute un malheur pire peut-être que la mort. Nous n'insistons pas, espérons que ces douloureuses prévisions ne se réaliseront pas. Nous avons omis de parler de la cuisinière de la maison. C'est une nommée Valérie H. qui vient le matin à 7 heures et s'en va aussitôt après le dîner, c'est-à-dire vers 8 heures du soir. Elle ne demeure donc pas dans l'hôtel. À la dernière minute, nous recevons la visite de M. de M., qui nous déclare avoir passé la soirée avec Orliac chez la comtesse de W. à l'hôtel de Baltimore, rue Comartin. Orliac est très assidu chez cette dame, d'origine américaine, veuve d'un comte polonais, et dont le salon est l'un des derniers refuges de la causerie française. Orliac en serait parti entre minuit et 1 heure, en parfaite humeur, très gai même, et ne paraissant avoir aucun pressentiment funeste. D'après un rapide examen, on suppose que le crime aurait été commis entre 1 heure et 2 heures du matin. Il faudrait donc calculer que l'assassin se serait introduit dans la maison avant le retour d'Orliac, que celui-ci l'a surpris au moment où il venait de frapper sa femme, et c'est alors qu'il a été frappé lui-même. Mais ce ne sont là que de pures hypothèses sur lesquelles nous reviendrons. Un registre ouvert au rez-de-chaussée a été couvert de signatures. Pendant la journée, le Tout Paris des Lettres et de l'Art a tenu à donner au célèbre romancier ce témoignage de profonde sympathie. La journée suivante amena une constatation des plus graves. Il fut prouvé que la porte extérieure avait été ouverte à l'aide d'une fausse clé. La serrure démontée a offert des preuves indéniables de l'emploi d'un outil. Il semblait donc de plus en plus évident que le crime était l'œuvre de malfaiteurs de profession qui, connaissant l'absence de Frédéric Orliac, et sachant aussi sans doute que les domestiques couchaient au deuxième étage, s'étaient introduits dans l'hôtel pour voler. Le retour imprévu d'Orliac aurait dérangé l'assassin qui, pour s'échapper, aurait tiré sur lui à bout portant. Dans sa fuite, il a jeté le marteau qui a été retrouvé rue Blanche. Cependant, l'opinion publique, dont les journaux se faisaient l'écho à mots couverts, accusait les domestiques d'être, sinon les auteurs, tout au moins les complices du crime. Ce fut donc sans surprise qu'on lut ce qui suit dans le Nouvelliste du 25 janvier. La justice croit enfin être sur la trace de l'assassin des époux Orliac. Les soupçons s'étaient portés d'abord sur les deux domestiques, mais après une enquête approfondie, il a paru prouver que du côté de Louis Calmezat, ces suppositions n'avaient aucun fondement. Louis est un garçon très honnête, auquel on ne peut reprocher qu'un amour immodéré pour le jeu, de Bézigue. Dès que son maître s'absente, il court au débit du sieur Binchon, et ce sont là, dans le cabinet vitré, des orgies de 40 et de 500. Mais Louis, qui est âgé de 35 ans, est valet de chambre depuis sa sortie du service. Dans toutes les maisons où il a passé, il a laissé les meilleurs souvenirs. Il a quelques économies et mène une existence des plus régulières. Son seul tort, et il est grave, est d'avoir abandonné la maison pendant la soirée, et cela, évidemment, sans avoir prévenu ses maîtres. Louis Calmezat a donc été laissé en liberté. Mais Adèle Bossu vient d'être consignée à la disposition de la justice. Voici les circonstances qui ont motivé cette mesure. Adèle Bossu est, on le sait, âgée de 28 ans. C'est une femme petite mais robuste, très brune et qui semble d'une nature tropicale. Interrogée sur ses relations, elle a fini par avouer qu'elle a reçu plusieurs fois la nuit dans sa chambre un maçon, Jean S., dont elle avait fait la connaissance, a-t-elle dit, il y a environ un an, alors que le propriétaire du petit hôtel, qui n'appartient pas à Orliac, malgré l'affirmation péremptoire d'un de nos confrères, avait fait d'importantes réparations qui avaient exigé la présence d'une dizaine d'ouvriers pendant plus de 15 jours. Adèle Bossu, qui a longtemps hésité avant de se décider à faire des aveux, déclare que Jean S. lui a promis le mariage. D'après elle, il ne serait pas venu dans l'hôtel depuis près d'un mois. Par cette raison qu'il serait parti dans son pays pour aller chercher ses papiers. Quel pays, elle n'a pu le dire exactement, affirmant seulement que son futur, si futur il y a, est Limousin et est né dans un village de la Haute-Vienne. Or, il ne faut pas oublier que le principal instrument du crime est un marteau de maçon. Cette circonstance, jointe aux allures étranges, sinon hypocrites, de la fille Bossu, a décidé le juge d'instruction à décerner contre elle un mandat d'arrêt. En même temps, le service de sûreté a été chargé de rechercher activement le nommé Jean S. On a procédé à l'autopsie du cadavre de Madame Orliac. Aucune constatation nouvelle n'a été faite. Il n'a été porté qu'un seul coup qui a déterminé instantanément la mort. Madame Orliac, mariée en seconde noces à notre confrère, était âgée de 50 ans environ. Elle appartenait à une famille de négociants de province. Elle possède, paraît-il, par contrat de mariage, une somme importante, mais on ignore si elle a des parents. Nous apprenons, au dernier moment, que l'état de Frédéric Orliac s'améliore rapidement. La stupeur disparaît, et on espère pouvoir demain procéder à un premier interrogatoire qui, sans nul doute, donnera le fil conducteur de cet étrange labyrinthe. Toutes ces informations étaient exactes, et en effet, le lendemain, on peut lire dans les journaux la déposition du blessé. La voici. C'est hier, à 9 heures du soir, que notre cher Orliac a enfin repris connaissance. Auprès de lui se trouvaient à ce moment le docteur Rande et une sœur de Sainte-Ursule. Il a ouvert tout à coup les yeux et les a tenus fixés devant lui, avec une angoisse telle que la bonne religieuse, c'est son expression, en a eu froid dans le dos. Le médecin s'est approché de lui et, lui prenant le pouls, lui a demandé comment elle se trouvait. Il n'a pas répondu tout d'abord, ses lèvres s'agitaient sans qu'aucun son en sortît. C'était un moment terrible, car bien que la plaie du front tendît déjà à se cicatriser, on redoutait toujours un de ces accidents cérébraux, trop fréquents hélas, chez les hommes d'imagination. Orliac cherchait évidemment à ressaisir ses idées. Il regarda autour de lui, ne reconnaissant pas les visages qui l'entouraient. Évidemment, il cherchait quelqu'un, qu'il s'étonnait de ne pas voir à son chevet. Il était grandement à craindre que la première révélation lui causât une commotion funeste. Le docteur lui adressait quelques paroles d'encouragement qu'il paraissait ne pas comprendre. « Vous avez été gravement blessé, lui disait-il, mais grâce à la vigueur de votre tempérament, vous êtes aujourd'hui hors de danger. » Puis il ajouta, pour préciser mieux encore, « Ne vous en souvenez-vous pas. Vous avez été assailli ici même par un malfaiteur qui vous a tiré à bout portant un coup de revolver. » Orliac ferma les yeux, parut réfléchir, puis il articula péniblement ces mots. « Ma femme est morte. » Ainsi, le premier souvenir qui s'imposait à cet homme de cœur, c'était celui de sa compagne qu'il avait vue inanimée, frappée à mort et qu'il n'avait pu défendre, même en donnant sa vie pour elle. Le docteur, craignant l'effet d'une trop forte émotion, crut devoir essayer d'un pieux mensonge. « Madame Orliac a en effet été blessée, elle aussi, de la façon la plus dangereuse. Mais qui sait, il ne faut pas désespérer. » Orliac ouvrit les yeux tout grand et cria « Vivante? Non, non, c'est impossible. » Et dans une sorte de délire, il s'emporta. « Vous mentez, elle est morte, vous dis-je, je sais bien qu'elle est morte. » Force fut bien au médecin de lui dire la vérité. Orliac laissa retomber sa tête en arrière et resta immobile, dans un état de prostration profonde. Le docteur lui fit prendre une potion calmante et il ne tarda pas à s'assoupir. En somme, la crise redoutée semblait maintenant évitée. Il fallait compter sur le repos pour rendre à cet esprit ébranlé toute sa lucidité. Le parquet fut immédiatement avisé, et ce matin, à 10 heures, M. Benneriez, juge d'instruction, se transporta au domicile du blessé, assisté du docteur Ardoin dont le dévouement ne s'est pas un instant ralenti. La nuit avait apporté dans la sédation générale un progrès sensible et définitif. La religieuse a déclaré qu'il s'était éveillé plusieurs fois, mais qu'il était fort calme, sans prononcer d'ailleurs une seule parole. Mais dès que le juge s'est adressé à lui, une véritable métamorphose s'est produite sur sa physionomie. Le sang est monté à ses joues pâlies, et c'est d'une voix claire et précise qu'il a répondu aux questions de M. Benneriez. Frédéric Orliac a dicté sans hésitation la déclaration suivante, que nous devons résumer car, ponctuée par les questions du magistrat, elle a duré plus de 2 heures. Le samedi 20 janvier, j'étais invité à passer la soirée chez Madame la comtesse Vasiniska qui, de retour en France depuis quelques mois, habite, en attendant son installation définitive, l'hôtel Baltimore, rue Comartin. J'ai dîné comme de coutume avec Madame Orliac, qui se plaignait d'étouffement. Ma pauvre femme était depuis longtemps asthmatique et avait dû renoncer à sortir le soir, surtout pendant l'hiver. Au reste, elle n'a jamais aimé le monde. C'était une femme d'intérieur, bonne et dévouée. À 8 heures, je montai dans ma chambre où mon valet de chambre m'aida à m'habiller. Madame Orliac me dit bonsoir et se préparait au moment de mon départ à rentrer dans sa chambre et à se mettre au lit. Comme il était un peu tôt pour me présenter à l'hôtel Baltimore, j'allais faire un tour de boulevard. Je rencontrais quelques amis. Bref, à 9 heures environ, j'entrais dans le salon de la comtesse. La soirée se passa fort agréablement, conversation et musique. L'heure s'écoulait sans qu'on n'y prît garde. Madame Vasiniska me retint encore un quart d'heure après le départ de ses invités, ayant un léger service à me demander. Il était 00h30 quand je sortis de l'hôtel. Le temps était beau. Un petit froid sec invitait à la marche. Je revins à pied. Comme je ne me hâtais pas, en véritable noctambule qui aime son Paris, il était près d'une heure quand j'arrivais chez moi. Je pris dans ma poche le passe-partout qui ne me quitte jamais et j'ouvris la porte extérieure. Tout d'abord, je constatai quelque chose d'inaccoutumé. On dispose tous les soirs une veilleuse dans le vestibule afin que je puisse allumer la bougie pour monter l'escalier. Or, le vestibule était plongé dans une obscurité profonde. Je crus à un oubli du domestique. et sans y attacher plus d'importance que de raison, j'enflammai une allumette bougie et montai au premier étage. Mais à mi-chemin, il me sembla entendre un bruit insolite. Dans une maison qu'on habite seul avec sa famille, le moindre écho est aussitôt perçu. Je pensais que ma femme était indisposée et que sa femme de chambre était descendue auprès d'elle. Je franchis en une seconde les dernières marches de l'escalier. Sur le palier, je heurtai une bougie qui avait été posée à terre et qui se renversa. Et guidé par la lumière d'une veilleuse qui se trouvait dans ma chambre, dont contre toute habitude la porte était ouverte, je m'élançai à l'intérieur. Que s'est-il passé alors? Mes souvenirs sont confus. La porte de la chambre de ma femme n'était pas fermée. Je courus à cette porte. D'un seul coup d'œil, je vis à la fois et le cadavre de ma femme, avec une énorme tache rouge au front, et un individu qui me tournait le dos, occupé à fouiller dans son bonheur du jour. Je poussai un cri, l'homme se retourna et se jeta sur moi. Il y eut lutte, mais très courte. L'agresseur était très robuste et de plus, mes forces étaient paralysées par la surprise et l'horreur. Il y eut une bousculade, puis un éclair passa devant mes yeux, je tombai, je ne sais rien de plus. Ce récit si simple et si dramatique porte en soi le cachet de la vérité. Le magistrat a invité Frédéric Orliac à reconstituer, autant qu'il lui serait possible, le signalement de l'assassin. Bien que dans cette scène tragique et instantanée, les observations précises aient été presque impossibles, notre confrère a pu donner les indications que voici. L'homme était de haute taille, vêtu d'un long paletot, qu'il croit pouvoir affirmer être couleur vert olive. Il est moins affirmatif au sujet de la coiffure. Cependant, il est certain que l'assassin avait la tête couverte, probablement, croit-il, d'un chapeau mou à large bord. Il a remarqué aussi de grosses et longues moustaches, pareilles à celles que Gilles attribuait aux partisans du Second Empire. Le revolver qu'on lui a représenté lui est absolument inconnu, ainsi que le marteau. Il est donc établi que l'assassin avait apporté ses armes, à moins que... Mais ce n'est pas à nous qu'il appartient de hasarder des hypothèses qui pourraient nuire à la marche de l'instruction. Interrogé au sujet de ses domestiques, Orliac a affirmé leur bonne conduite. Il a la plus absolue confiance en Louis Calmezat, et il savait fort bien, ajoute-t-il, que son valet de chambre passait souvent ses soirées chez le débitant en question. Il l'avait même autorisé tacitement, car plusieurs fois, ayant besoin de lui dans la soirée, il l'avait envoyé chercher par un commissionnaire. Quant à Adèle Bossu, que son service attachait plus particulièrement à la personne de Madame Orliac, il la connaît peu. Cependant, il sait que sa pauvre femme se disait très satisfaite de sa complaisance et de son dévouement. Aucune circonstance ne lui avait donné lieu de suspecter sa probité ni sa moralité. Il a protesté vivement contre la mesure judiciaire dont elle a été l'objet. Mais après avoir entendu les explications du magistrat instructeur, il n'a pu que s'incliner devant son opinion, tout en manifestant son incrédulité quant à la complicité de cette fille dans l'attentat commis. Il a été procédé en sa présence à un inventaire des objets contenus dans le secrétaire de Madame Orliac. Selon lui, l'assassin n'aura pas eu le temps de s'approprier les bijoux de la victime, car, sauf erreur, il lui paraît que tous ceux qu'elle possédait lui sont représentés, peu nombre d'ailleurs, car Madame Orliac était dénuée de toute coquetterie. Une constatation plus grave, et sur laquelle il nous est interdit d'insister, a été faite dans la chambre même d'Orliac. Certains titres qui se trouvaient dans une enveloppe sur la table où il travaillait avaient disparu. Des mesures ont été prises immédiatement pour tirer de cette indication le profit qu'elle peut comporter au point de vue de l'instruction. Aucun fait nouveau ne se produisit jusqu'au 30 janvier. À cette date, on apprit que les journaux que Jean S., sur lequel s'étaient portés les soupçons, avaient été découverts dans un petit village de la Haute-Vienne, Saint-Martin-Terre-Ressus, à Saint-Cleud de Limoges. Il a suffi de quelques explications pour justifier le pauvre garçon de l'inculpation terrible qui, à son insu, pesait sur lui. Il était arrivé dans son pays le 8 janvier et depuis lors ne l'avait plus quitté. S'il n'avait pas écrit à sa future, car il est bien décidé à épouser Adèle Bossu, c'est uniquement parce que... il ne sait pas écrire. Il avait été invité à se rendre à Paris et s'était conformé immédiatement à cette injonction. La fille Bossu avait été mise aussitôt en liberté par ordonnance de non-lieu. Bref, le temps s'écoulait sans que l'instruction eût fait un seul pas en avant. Naturellement, les journaux objurguaient violemment la police. Une interpellation avait été adressée au ministre de l'Intérieur, visant à le rendre responsable de l'incurie ou de l'inhabileté de ses subordonnés, et peu s'en était fallu que le crime de la rue Blanche ne fût le signal d'une crise gouvernementale. L'ordre du jour réclamé par le ministère n'avait passé qu'à une majorité insignifiante. On ne doutait pas d'ailleurs du prochain remplacement du chef de la police de sûreté. Mais la vie marche si vite à Paris que la curiosité publique s'était portée ailleurs. On n'avait plus d'inquiétude à concevoir sur la vie de Frédéric Orliac, dont un journal, profitant de la vogue nouvelle acquise par son nom, rééditait un roman à grand renfort de réclames. Dans la première quinzaine de mars, deux faits nouveaux rappelèrent l'attention sur le drame de la rue Blanche. Il fut rapporté par le nouvelliste dans les termes suivants. Une découverte étrange et surtout bien inattendue vient de donner une impulsion nouvelle aux recherches de la police dans l'affaire Orliac, dont nos lecteurs n'ont certainement pas perdu le souvenir. Tout d'abord, il nous faut mentionner une circonstance dont jusqu'ici il n'a pas été fait mention. On se souvient que l'instrument du crime était un marteau dit « lay », à usage de maçon. Les premiers soupçons s'étaient portés sur Jean Sarron, qui, par parenthèse, épouse mardi prochain l'ancienne femme de chambre de Madame Orliac, Adèle Bossu. Or, Jean Sarron, auquel on a représenté ce marteau, l'a reconnu immédiatement pour lui avoir appartenu. On devine combien cet aveu aurait été défavorable à cet ouvrier si son alibi n'avait été prouvé de la façon la plus irréfragable. Mais la certitude absolue qu'on a de son innocence donne à sa déclaration un caractère de complète véracité. Il dit que pendant qu'il travaillait avec ses camarades aux réparations de l'hôtel de la rue Blanche, ce marteau disparut, soit qu'il l'eût perdu, soit qu'on le lui eût volé. Il en avait même parlé à l'entrepreneur qui a confirmé le fait. L'assassin serait-il donc un des ouvriers qui ont passé quelque temps dans la maison et qui aurait pu par conséquent étudier les habitudes de ses locataires? Cette hypothèse, plausible au premier abord, est cependant combattue par cette constatation qu'à l'époque où les ouvriers travaillaient, c'est-à-dire à l'automne, ils quittaient le chantier à 5h30 et qu'aucun d'entre eux, à moins de s'être caché, n'a pu séjourner dans l'hôtel pendant les soirées. Nous savons d'ailleurs qu'une enquête habilement menée par la sûreté, une fois n'est pas coutume, paraît l'avoir définitivement écartée. Il semble plutôt que le marteau aurait été trouvé par l'assassin dans quelque coin où il aurait échappé aux recherches de Sarron et où le criminel se serait blotti en attendant le moment le plus favorable pour l'attentat qu'il préméditait. Ce qui donne corps à cette supposition, c'est que le meurtrier était armé d'un revolver et qu'il semble que ce soit seulement par occasion qu'il ait fait usage d'un marteau. Laissons à la justice le soin de démêler cet inextricable écheveau et arrivons à la seconde découverte dont nous avons parlé au début de cet article. On sait que les épaves trouvées dans la Seine et remises à l'autorité sont portées à la morgue où elles restent exposées pendant quelque temps, puis conservées en magasin, jusqu'au jour où elles sont détruites comme définitivement inutiles. Or, il y a 8 jours, le gardien-chef de la morgue donna ordre à un de ses subordonnés d'enlever de la salle d'exposition les effets qui s'y trouvaient depuis 2 mois. Mais avant de les reléguer au dépôt, il les examina, comme d'ordinaire, un à un. Naturellement, comme tout Paris, il avait lu dans les journaux les détails relatifs à l'affaire Orliac. Il fut frappé tout à coup de la ressemblance d'un paquet d'effets avec ceux qui avaient été décrits par l'écrivain comme vêtissant l'assassin. Orliac a dit que l'homme, autant du moins qu'il a pu s'en rendre compte dans le trouble de cette nuit terrible, portait un long paletot d'une couleur vert olive et était coiffé d'un chapeau mou. Or, le paquet en question se composait d'un paletot de la couleur indiquée, d'un pantalon de velours vert bouteille à côte et d'un chapeau de feutre à large bord. En se reportant au livre d'entrée de la morgue, le gardien constata que ces effets avaient été déposés le 19 janvier dans la soirée. Il y a évidemment erreur de date, par un marinier qui les avait trouvés sur les bords de la Seine, à la hauteur du pont de la Concorde. Ils avaient séjourné très peu de temps dans l'eau. C'était au déclin d'une crue, la Seine baissait rapidement. Le paquet, enveloppé dans un morceau de madapolam sans initiale, qui paraissait déchiré récemment d'une pièce plus grande, était tombé sur le rebord de la berge et avait été rapidement laissé à sec par l'eau qui se retirait. On avertit immédiatement notre ami Orliac, qui ne put les reconnaître positivement pour ceux que portait l'assassin. Il faut avouer que cette hésitation n'a rien que de très naturel. Bientôt, toute espèce de doute devait disparaître, et voici comment. La police, munie du revolver trouvé dans la chambre d'Orliac, a procédé à de minutieuses recherches pour découvrir l'armurier qu'il avait vendu. Ce n'était pas chose facile, car cette arme, de fabrication commune, ne portait aucune indication, sauf le mot anglais « patent », qui ne peut servir en aucune façon à désigner un lieu de provenance. Cependant, à force de patience, la sûreté acquit la certitude que cette arme avait été achetée le 5 janvier chez un armurier du boulevard de Strasbourg qui vend à très bon marché des revolvers de qualité inférieure. Par un hasard heureux, la femme de ce négociant avait un souvenir très présent d'avoir vendu ce revolver le 5 janvier pour une somme de 11 francs à un individu coiffé d'un chapeau mou, vêtu d'un paletot vert et porteur d'une énorme paire de moustaches qui avait attiré son attention railleuse. Elles avaient l'air d'être fausses. Du reste, la vente était notée sur son livre et se trouvait être la seule de ce jour à ce prix dérisoire. On eut alors l'idée de demander l'armurière à la préfecture de police et de lui présenter les effets en question. Elle déclara sans hésitation que c'était bien le costume de son acheteur. Elle fit même à ce sujet une remarque bien féminine. Tout en livrant l'objet et en recevant l'argent, elle avait vu que l'un des boutons du paletot était éraillé et montrait, à travers l'érosion, le moule de bois. Cette indication était parfaitement exacte. Du reste, elle n'avait pu fournir d'autres indications sur l'homme, sinon qu'il semblait chercher à se tenir hors de la lumière du gaz et que son chapeau rabattu empêchait d'examiner le haut de son visage. De plus, quand elle lui avait rendu sa monnaie, il avait dû approcher les pièces de ses yeux comme un myope qui n'aurait pas pu les voir à distance. Ses mains étaient dégantées et la marchande constata qu'elles étaient d'une blancheur et d'une finesse qui lui parurent contraster avec la tenue et les allures de l'individu. Cette dernière indication ne nous paraît pas avoir une grande importance. Qui veut trop prouver ? Quoi qu'il en soit, il y a là des indices précieux. Nous nous empressons d'ailleurs de constater que la police, contre laquelle s'est élevée il y a quelques semaines un tollé si formidable, ne se décourage pas. Puisse-t-elle réussir à découvrir l'assassin et à le livrer à la justice ? Ce souhait bienveillant portera-t-il chance à la justice ? Toujours est-il que, 3 jours après, un journal du soir, crié à plein poumon sur les boulevards, portait en tête de ses colonnes la vedette suivante, en caractère d'affiche, « Arrestation de l'assassin de la rue Blanche ». Au moment de mettre sous presse, nous apprenons qu'un nommé Marcel B. a été arrêté ce matin par les agents du service de sûreté sous l'inculpation d'assassinat. Il s'agit du crime de la rue Blanche qui a coûté la vie à Madame Orliac et auquel notre confrère Frédéric Orliac n'a échappé que par miracle. Sans vouloir entrer dans les détails que notre discrétion bien connue nous interdit, nous croyons pouvoir affirmer que les charges les plus graves, disons les preuves les plus convaincantes, pèsent sur cet individu. À demain de plus amples renseignements. Le journal tint parole et publia le lendemain un long article dont suit la reproduction. Enfin, la police a mis la main sur l'assassin de la rue Blanche, dans des circonstances assez curieuses et qui d'ailleurs, en dépit des vœux charitables émis par un de nos confrères, ne prouvent rien en faveur de la sagacité des policiers, que l'Europe nous envie. Dans la première enquête, il avait été vaguement question de valeurs dont Frédéric Orliac avait constaté la disparition. Il s'agissait de 5 obligations de la ville de Lille, emprunt de 1860, à tirage à l'eau que notre confrère, ainsi qu'il nous l'a raconté lui-même, avait acheté sur ses premières économies et auxquelles il tenait par une sorte de superstition que tout le monde comprendra. Opposition avait été mise sur les numéros de ces titres, qui, on le sait, ont une valeur nominative de 100 francs et sont cotés de quelques francs au-dessus du pair. Bien que ces obligations aient un marché assez soutenu, étant recherchées par les petites bourses, les tirages annuels ne sont publiés par aucun journal important, à l'exception, bien entendu, des feuilles spéciales. Le plus souvent, pour savoir si quelque obligation est sortie au tirage, il faut aller chez M. K, banquier, rue de la Chaussée-d'Antin, qui, chargé naguère de l'émission de l'emprunt, en a conservé l'administration. Or, il y a quelques jours, un individu se présentait à la banque K, se faisait indiquer les affiches apposées dans l'antichambre et les consultait attentivement en se référant à une note au crayon qui se trouvait inscrite sur un portefeuille. Tout à coup, il poussa un cri de joyeuse surprise et, s'avançant vers le guichet, Il demanda s'il était bien exact que le numéro 61-488 eût gagné 1000 francs au tirage du 1er septembre dernier. L'employé vérifia et lui répondit affirmativement, ajoutant que le lot gagné en septembre et payable un mois après le tirage était à la disposition du porteur de l'obligation qui, selon l'usage, avait cessé de porter intérêt depuis cette époque. L'homme, enchanté, se répandit en remerciements, et après s'être assuré qu'il pouvait se présenter au jour et heure qui lui conviendrait, il partit en annonçant son prochain retour. L'employé causait de cette aventure avec ses camarades lorsque l'un d'eux s'écria « Le 61-488, mais il est porté sur la liste d'opposition !» On se hâta de contrôler. C'était exact. Et une recherche rapide prouva que cette obligation faisait partie des valeurs volées à notre confrère à l'époque du crime. Par malheur, on avait négligé de prendre le nom et l'adresse du réclamant. Mais il était peu probable qu'étant venu vérifier les numéros des titres, il renonça à l'aubaine inespérée qui lui tombait du ciel, à supposer que le ciel eût quelque chose à voir dans cette affaire. On se hâta de prévenir le commissaire de police, et bientôt, un agent installé dans les bureaux de la banque attendit patiemment le retour de l'inconnu. Cette attente ne fut pas de longue durée. Vers 3 heures, l'homme reparut et, s'adressant au même employé, lui présenta l'obligation en question. C'était bien le numéro indiqué. Le titre était authentique. On invita le personnage à entrer dans le bureau et on le pria d'attendre et quelques minutes après, M. Destrem, le commissaire de police, immédiatement averti, procédait à son interrogatoire. Très troublé, balbutiant, cet individu déclara se nommer Jules Daveyrac, principal locataire d'une maison sise à Paris, 125 rue de Puebla. Interrogé sur la provenance de l'obligation qui se trouvait entre ses mains, il hésita d'abord à répondre, puis il prétendit qu'il la tenait d'un de ses locataires qu'il lui avait remise en paiement de loyer échu. Le plus curieux de cette affaire, c'est que cette déclaration était à demi exacte, comme on va le voir, le sieur Daveyrac ne détenant ce titre qu'en dépôt. Il lui avait été remis non en paiement, mais en garantie de loyer. Il avait eu l'idée de vérifier si par hasard quelque lot n'avait pas été gagné. Voulant profiter au détriment de son locataire de la somme relativement importante dont celui-ci aurait dû bénéficier, il avait l'intention, après avoir touché le lot de 1000 francs, d'acheter une autre obligation pour la substituer à celle qui lui avait été confiée. Il y avait là une tentative d'indélicatesse qui ne tombe peut-être pas sous le coup de la loi, mais qui prouve une singulière perversion du sens moral chez un homme qui jouit d'ailleurs de la meilleure réputation et auquel il semble que jusqu'ici on n'ait rien eu à reprocher. Mais le plus important était de suivre la piste qui se présentait si inopinément aux recherches de la police. D'après le sieur Daveyrac, son locataire était un personnage bizarre, une sorte d'inventeur à moitié fou qui occupait 2 chambres sous les combles de sa maison. Cet homme, nommé Marcel Bidard, un nom bien connu des gamins de Paris, est marié. Sa femme travaille chez les blanchisseuses du quartier, tandis que lui-même ne sort presque jamais pendant le jour, s'absente quelquefois pendant des nuits entières, mais en résumé paraît ne se livrer à aucun travail utile et, selon l'expression de M. Daveyrac, traîne une misère noire. Il était en retard de plusieurs termes et malgré ses promesses formelles, il n'avait même point donné un acompte au mois de janvier. M. Daveyrac le menaçant d'expulsion, Bidard lui remit le 21 janvier 5 obligations Lille, s'engageant à les reprendre sous peu contre paiement de tout ou partie des sommes dues. La date de cette remise, au lendemain de l'assassinat de la rue Blanche, concordait de façon trop exacte avec les premières suppositions suscitées par ces circonstances nouvelles pour que l'hésitation fût possible. Un mandat d'amené fut aussitôt décerné contre le nommé Marcel Bidard, qui était arrêté avant-hier matin, au moment où il rentrait à son domicile à 5 heures du matin. Inutile de dire que les 4 obligations Lille restées entre les mains de M. Daveyrac portaient bien les numéros frappés d'opposition. M. Bennery a déjà fait comparaître l'inculpé devant lui et l'instruction va marcher rapidement. Nous tiendrons nos lecteurs au courant. Il y avait là pour un reporter trop belle matière à interview pour qu'on le laissât échapper. Et le même jour, la cloche du soir publiait cet article à sensation. La rue de Puebla, peu fréquentée par les vrais Parisiens, contourne le parc de la Butte Chaumont. Ce matin, tout à mon devoir de reporter, j'ai frété un chapeau blanc et me suis fait véhiculer à ses antipodes. La maison qui porte le numéro 125 n'a pas un aspect particulièrement séduisant. C'est une vieille bâtisse entre deux terrains vagues. Les fenêtres sans persiennes sont adornées de loques de toute nature qui s'efforcent de sécher aux rayons de l'étoile polaire, ce qui, en langage courant, signifie que la façade, noire et sale, est exposée en plein nord. Quatre étages, au rez-de-chaussée, l'inimitable marchand de vin à l'enseigne de la belle mexicaine, une grosse femme, née sous les tropiques, bruxellois, emplit le comptoir, et c'est d'abord à elle que je m'adresse pour obtenir quelques renseignements sur son colocataire. Je fais grâce à mes lecteurs du tutoiement et des « sais-tu, monsieur, pour une fois », dont elle agrémente le dialogue. Elle connaît fort peu M. Bidard et ne tient pas à faire sa connaissance. Pourquoi ? Parce qu'elle n'aime pas les gens sournois. Bidard est un homme maigre, tartuffe et gras cependant, long comme un jour sans pain, à la figure jaune et creuse, qui passe les journées à des besognes de démons, qui rentre à des heures induses et qui n'a pas tant seulement dépensé un sou à la belle mexicaine depuis les 3 ans qu'il est dans la maison, grief qui justifie de la part de la débitante un manque absolu de sympathie. Qu'appelez-vous besogne de démon ? Est-ce que je sais, moi, il fait du feu ? Et comme je fais remarquer à la bonne dame que cette excentricité est excusable en hiver, elle me répond avec colère qu'il y a feu et feu, des feux honnêtes et des feux qui ne sont pas à faire. Il me semble que Bidard a dans le quartier la réputation d'être une sorte de magicien, d'alchimiste. Bref, il marque mal. Et la belle mexicaine de Bruxelles n'a pas été surprise quand on lui a appris son arrestation pour assassinat. « Et de Madame Bidard, lui demandai-je, que me direz-vous ? Oh, la femme du bon Dieu, qui travaille à se perdre l'âme et le corps et qui nourrit son fainéant de mari. Et tenez, justement, la voilà qui rentre. » En effet, une femme petite, mais très grasse, au teint rosé, presque enfantin, passait devant la boutique. Voyant la porte entr'ouverte, elle s'arrêta et salua de la tête la belle mexicaine. Me remarquant alors, et me prenant peut-être pour quelque agent de police, elle eut un mouvement de recul. J'allai aussitôt à elle et me fis connaître. À ma réelle surprise, mon titre de journaliste parut lui faire l'impression la plus favorable. « Vous voulez me parler, monsieur ?»« Oui, madame, il s'agit de... »« De mon pauvre mari. »« Ah, venez, venez, monsieur. » Si vous saviez, vous le défendrez, n'est-ce pas ? J'ai pu commencer cet article en raillant, mais à partir du moment où je me trouvais en face de Madame Bidard, j'avoue que toute envie de plaisanter m'abandonna. Je me sentis saisi en présence de cette femme courageuse, bonne et intelligente, d'une sympathie dont je ne cherche pas à me défendre. Je ne puis certes imposer à personne la conviction qui s'est formée dans ma conscience pendant le long entretien que j'ai eu avec Madame Bidard. Mais je suis certain que mes lecteurs concluront d'eux-mêmes. Madame Bidard, qui malgré sa taille exiguë et replète, malgré même le costume plus que modeste qu'elle portait, robe de mérinos noir défraîchie et poussiéreuse, chapeau de paille noire, bottines navrantes et navrées, m'apparut immédiatement comme douée d'une réelle distinction. Je remarquai ses mains courtes, grasses, abîmées par des travaux manuels, et conservant cependant un dessin exquis. Pendant que je montais derrière elle jusqu'à son appartement, je constatais dans sa démarche, dans sa lassitude même, je ne sais quelle grâce primordiale que la misère n'avait pas effacée. Je dois dire avant tout que Madame Bidard a les cheveux gris, ce qui éloigne toute supposition de galanterie déplacée. Nous gravîmes 4 étages d'un escalier peu confortable mais possible. Arrivé au dernier palier, je vis alors une sorte d'échelle faisant trou dans le plafond. « Quoi, madame ? » m'écriai-je. « C'est là ?»« C'est au grenier, oui, monsieur, » me répondit-elle en souriant tristement. « Si vous craignez de vous fatiguer. » J'eus honte de ma surprise et je grimpai résolument. Nous fûmes bientôt sous le toit, où une sorte de cage percée d'une porte nous introduisit dans ce fameux logement dont le loyer était dû depuis trop longtemps au propriétaire. Toute description serait inutile. Qui ne connaît un grenier ? Non pas le grenier du poète, avec une petite fenêtre donnant sur les toits et sur les rêves d'avenir. Là, c'est le vrai grenier, les combles, occupant tout le dessus de la maison. Je ne sais quel diable d'entrepreneur a bâti cette chose étrange, mais il y a là un enchevêtrement de poutres, de solives, d'arc-boutants à soutenir toute une carcasse de vaisseaux. On se croirait dans un navire dont la quille serait en l'air. La partie du milieu, la plus haute, on peut s'y tenir debout, a été divisé en 2 parties séparées par une cloison en voliges et forme ainsi 2 pièces, l'une, la chambre à coucher, garnie d'un pauvre lit en fer, d'une table et de 2 ou 3 chaises de paille, l'autre, la salle à manger, éclairée par un œil de bœuf, tournée vers Paris et d'où l'on découvre un panorama stupéfiant de beauté. Dans cette salle à manger, ou peut-être plutôt cuisine, un fourneau de fonte. Je me demande par où on a pu le faire entrer. Puis partout, à terre, sur des planches, des cornues, des matras, des alambics, des tubes de toutes formes, des flacons, des bocaux, que sais-je. Tout l'arsenal de Nicolas Flamel et un musée minéralogique à pavé un village. Dans un coin, sur une table, une pile de papiers, de cahiers dont on voit les dos cousus de fil rouge. Enfin, les deux espaces qui fuient sous la déclivité du toit sont remplis d'objets sans nom que je n'aperçois qu'imparfaitement. Je distingue des débris de fer, de plomb, de zinc, une espèce de machine qui, dans l'ombre, ressemble à une araignée énorme. Tout cela forme un ensemble bizarre, saisissant, un enfer d'étrangeté au milieu duquel Madame Bidard, douce, avec son visage rosé et ses yeux bleus et profonds, semble une bonne fée prisonnière de quelque démon. Je dois dire que cette impression première se dissipa bientôt. Il n'y avait là ni enfer ni prisonnière, peut-être pas même de démon. « Monsieur, me dit Madame Bidard, je suis bien heureuse que vous soyez venu. J'hésitais à aller moi-même dans les journaux prier un de ces messieurs de m'entendre. Je crois que je m'y serais décidé aujourd'hui. Peut-être m'aurait-on bien accueilli, car je vous prie de me garder le secret. Je suis la sœur de X, qui était longtemps votre confrère et qui est mort il y a 2 ans. » Elle me nomma un journaliste dont aucun de nous n'a perdu le souvenir et qui fut un de nos plus sympathiques camarades. Je ne suis pas autorisé à prononcer son nom, Madame Bidard, par une exquise délicatesse, désirant que son souvenir ne soit pas mêlé à ses douloureuses affaires jusqu'à ce que la lumière soit faite complètement. Je lui promis d'être discret, et lui assurant la sincère bienveillance de la presse, je l'invitai à continuer. « J'ai 38 ans, me dit-elle. Je parais beaucoup plus que mon âge, mais c'est au malheur qu'il faut attribuer cela. » Je ne me plains pas d'ailleurs, j'ai accepté mon sort et je pourrais ajouter que je l'accepte encore avec joie. J'avoue qu'en face de cette misère, et aussi de l'accusation terrible qui pèse sur son mari, cette résignation me parut excessive. Ma physionomie trahit sans doute ce sentiment intime car Madame Bidard reprit aussitôt. Vous vous étonnez, c'est naturel. Vous vous demandez comment dans cet état de gêne, disons le mot de misère, je puis encore me déclarer satisfaite. C'est que vous ne connaissez pas mon mari. Et que vous ne pouvez comprendre comment l'espérance, bien mieux, la certitude d'un meilleur avenir, aide à supporter les tristesses du présent. Il y a longtemps que vous êtes marié. 12 ans. J'avais 26 ans quand j'ai épousé M. Bidard, qui était professeur de chimie dans un collège de Bretagne. Et tenez, je vais vous dire en 2 mots l'histoire de notre mariage. Mon frère et moi, nous étions orphelins, sans fortune. Nos parents étaient de petits commerçants qui avaient, tant bien que mal, joint comme on dit les deux bouts, mais qui, enlevés à quelques semaines l'un de l'autre par une épidémie de fièvre typhoïde, n'avaient pu assurer l'avenir de leurs enfants. Je ne leur adresse aucun reproche, c'étaient de braves cœurs et d'honnêtes consciences. Mon frère était parti pour Paris. D'une imagination vive, sans grande éducation, mais doué de rares facultés d'assimilation, il s'adapta rapidement au milieu nouveau dans lequel il se trouvait. Son style original, son esprit endiablé lui acquiert la notoriété que vous savez. Quant à moi, j'étais resté auprès d'une tante, j'avais 22 ans alors, qui, propriétaire d'une petite maison, louait des chambres meublées. Monsieur Bidard était son locataire depuis plusieurs années déjà. Il a maintenant 46 ans, il en avait 30. Monsieur Bidard est fils de paysan. Étant enfant, il a reçu plus de coups que de caresses. Aussi, dès ses premières années, était-il possédé du désir de conquérir son indépendance par le travail. Il fit tant et si bien qu'un maître d'institution, remarquant ses étonnantes dispositions, l'admit gratuitement chez lui. M. Bidard remporta de magnifiques succès universitaires et finalement obtint la place que je vous ai dite au collège de Quimper, ville que j'habitais moi-même. Il est breton et je suis bretonne. Nous sommes tenaces et énergiques tous les deux, bien nous en a pris. Je reviens à la maison de ma tante. M. Bidard, après avoir donné ses cours, rentrait et prenait ses repas à la table de famille. Vous dirais-je un de ses défauts, qui pour moi est une de ses grandes qualités. M. Bidard est extraordinairement bavard. Il faut qu'il parle. Le silence lui est insupportable. S'il ne pouvait jeter au dehors les idées qu'il a dans la tête, son cerveau éclaterait. Si bien qu'à la table des pensionnaires, M. Bidard, sans souci d'être écouté, exposait continuellement les théories scientifiques auquel il consacrait tous les loisirs que lui laissaient ses travaux obligatoires. C'était chose presque comique que l'habitude prise par les trois autres pensionnaires de causer de leurs affaires, sans tenir compte des longs discours de M. Bidard que personne n'écoutait, bien mieux que personne n'entendait, tant l'habitude était prise. Je dois ajouter que sa conversation, ou plutôt ses monologues, n'avaient rien de bien séduisant pour les jeunes gens qui se trouvaient là, et qui, employés de commerce ou petits fonctionnaires, demandaient avant tout à se délasser. Il causait toujours chimie, chimie transcendante, ayant déjà dans sa tête le germe d'une théorie originale et superbe qu'il ne m'appartient pas de vous expliquer, mais qui, vous allez être surpris, me frappa, moi, jeune fille, plus que je ne saurais dire. J'avais reçu une éducation moyenne, mais j'étais travailleuse et surtout curieuse. Quelques livres qui avaient été laissés chez ma tante par un de ses précédents locataires et que j'avais lus attentivement me rendaient apte à comprendre, tout au moins dans leurs grandes lignes, les théories de M. Bidard. Donc j'écoutais et, pour tout dire, j'étais la seule auditrice de ce cours que M. Bidard semblait se faire à lui-même tous les soirs. Son enthousiasme, son exaltation me gagnaient. Je me hasardais à lui répondre, à glisser quelques répliques, prouvant que je comprenais un peu ce dont il s'agissait. « Ah, monsieur, jamais je n'oublierai la physionomie de mon brave et cher mari ce soir-là. Elle était extatique. Je vous jure qu'il me trouvait plus que belle, sublime, idéale. Vous comprenez ce qui s'en suivit. Désormais, je fus son élève, son secrétaire. Je vous affirme que ma tante pouvait nous laisser seuls sans inquiétude. La science me gardait. Bref, un jour vint où nous comprîmes que nous ne pouvions vivre l'un sans l'autre. Nous nous mariâmes, et ce fut alors seulement que nous nous aperçûmes que nous nous aimions, mieux que scientifiquement, d'un amour sincère et profond. Ici, reprend le rédacteur, je demande à ouvrir une parenthèse. Je ne me plais pas, qu'on le sache bien, à faire ici de la fantaisie, des mots d'auteur, selon l'immortelle expression de M. Gibou. Au contraire, si j'ai un reproche à m'adresser, c'est d'atténuer involontairement, par défaut de mémoire, l'originalité, la verdeur géniale du récit de Madame Bidard. Dumas fait dire à un de ses personnages à propos de la princesse de Bagdad « Son mari peut se vanter d'avoir là une vraie femme. » Je reprendrai volontiers le mot pour mon compte, et sans rompre de lance ni pour ni contre l'accusation qui pèse sur M. Bidard, je puis affirmer qu'il a une vraie femme. Ajoutez donc à ma sténographie le geste juste, la physionomie vivante, l'œil intelligent d'une créature de premier ordre, et vous comprendrez un peu l'émotion que j'ai ressentie et que je ressens encore. » Madame Bidard continuait. « Nous étions mariés depuis un an à peine, quand ma tante mourut. Son héritage, y compris la petite maison, s'élevait à quelques milliers de francs que nous partageâmes, mon frère et moi. J'ajoute bien vite que depuis, me sachant dans la gêne, mon frère m'a forcé d'accepter la restitution de sa part. C'était un bon cœur. Monsieur Bidard rêvait depuis longtemps de venir à Paris. Enterré dans une petite ville de province, il sentait que jamais il ne disposerait des moyens nécessaires pour donner à ses expériences les développements qu'elles comportent. De plus, bien qu'il entretint une correspondance active avec plusieurs savants de la capitale, il brûlait du désir de se mettre en relation directe avec eux. Ce que je vais vous dire vous paraîtra peut-être bien ridicule, mais ces désirs, je faisais plus que de m'y soumettre. Ils étaient miens, tout à fait. J'étais plus ambitieuse encore que mon mari, mais croyez-le bien, dans le sens élevé du mot, comme je le suis encore aujourd'hui que nous touchons au but. Vous regardez autour de vous et vous êtes tenté de prendre en pitié ce que vous croyez être des rêves de richesse. Ni mon mari ni moi ne savons, ne voulons savoir ce que c'est que l'argent. Nous vivons mal, très mal. Je travaille chez les blanchisseuses et j'apporte au ménage le plus que je puis. Mais nous avons si peu de besoins. Nous n'en avons qu'un, celui de voir enfin rendre justice à une idée des plus fécondes, des plus admirables du siècle. Ici, Madame Bidard, dans la force de l'improvisation, prononça quelques noms, certains termes techniques, qui semblaient lui échapper comme à son insu. Je ne suis pas grand clerc en matière scientifique, et ne me veux point faire plus érudit que je ne suis. Je n'y comprenais pas grand-chose, à peine si les deux mots de physiologie minérale, dont la signification m'échappe, me sont restés dans la mémoire. Je craignais que Madame Bidard ne s'égara en des dissertations qui, je le confesse à ma honte, eussent été perles jetées devant un profane, et je la ramenai doucement au sujet brûlant de notre entretien. « Bref, lui dis-je, vous êtes venu à Paris et vous n'avez pas réussi. Détrompez-vous, je vous l'ai dit, nous touchons au but. Mais vous êtes toujours dans la gêne et vous n'avez pu, depuis plusieurs trimestres, payer votre loyer. C'est vrai. Vous savez qu'on accuse votre mari d'avoir commis un crime pour se procurer des ressources. C'est absurde. Non seulement M. Bidard est un honnête homme, mais encore, il est incapable d'un acte de violence, quel qu'il soit. Il ne s'est jamais emporté, sinon pour défendre ses théories scientifiques. Comment expliquez-vous alors qu'il ait en sa possession des titres qui ont été volés rue Blanche la nuit même de l'assassinat? Je n'explique rien. M. Bidard répondra. Quant à moi, j'ignorais même qu'il eût ces titres en sa possession et qu'il les eût remis au propriétaire. Encore une question, madame, car je ne veux pas abuser plus longtemps de votre complaisance. Vous pouvez d'un mot faire tomber l'accusation qui pèse sur votre mari. A-t-il passé auprès de vous la nuit du 19 au 20 janvier ? Très simplement, madame Bidard me répondit. Non, monsieur. Trois fois par semaine, M. Bidard va passer une grande partie de la nuit chez un savant, qui se nomme. Je ne me crois pas autorisé à vous dire ce nom. C'est affaire à M. Bidard. Toujours est-il que mon mari, pour des raisons qu'il expliquera s'il le juge convenable, est souvent absent la nuit. J'espère pour lui, madame, qu'il pourra prouver son alibi. Oh, je suis sans inquiétude. Ce que je vous demande seulement, et du fond du cœur, c'est de réagir contre la tendance railleuse et presque malveillante que j'ai remarquée ce matin dans quelques journaux. M. Daverac a cru pouvoir se permettre de dire que mon mari est un personnage bizarre, à demi fou. M. Bidard est un homme d'une intelligence supérieure, qui ne vit que pour sa science et qui est incapable d'une mauvaise action. J'attends avec patience sa mise en liberté, et je ne voudrais pas qu'à sa sortie de prison, il eût à souffrir d'appréciations injustes, motivées par une erreur de la justice. Je me retirai alors, emportant de ce grenier une impression ineffaçable. Quel homme est ce Bidard ? Est-ce vraiment un savant de valeur ? Ou quelqu'un de ces chercheurs d'absolu dont la folie est contagieuse, surtout pour leurs proches. Eh bien non, je n'y puis croire. J'ai vu une femme énergique, intelligente, douée d'une lucidité parfaite. Et si, d'après elle, je juge son mari, je suis bien prêt de croire, malgré les charges qui l'accablent, que l'instruction fait encore fausse route.